18 février de l'année 2025. Donc, c'est le moment où est fait cet enregistrement, cette fois-ci avec le IsoBot. En fait, il y a un auditeur qui m'a proposé d'en faire un, puis justement, j'avais envie de faire un enregistrement pour tester le robot conversationnel en lien avec l'enseignement d'ISO pour voir là, les réponses qu'on peut y puiser. En fait, s'il y en a qui sont intéressés par expérimenter le IsoBot ou le BDMBot, donc ces robots conversationnels, eh bien, vous allez trouver en bas de l'enregistrement présent là, les coordonnées là, pour expérimenter avec ces interfaces vocales en lien avec les œuvres des auteurs auxquels ils se rapportent, que ce soit Bernard de Montréal pour le BDMBot et ISO par rapport à ou IsoBot. Donc, ceci dit, je vais commencer à proprement dit avec une question de base pour l'interface conversationnelle IsoBot. Qu'est-ce que la matrice? Dans l'enseignement de la supraconscience vibratoire, la matrice est décrite comme un programme artificiel mis en place par le démiurge. C'est une illusion qui maintient l'humanité prisonnière en recyclant les âmes à travers la réincarnation et en exploitant leurs émotions pour nourrir les entités archontiques. Elle est comparée à un cube noir, un espace clos conçu pour empêcher l'accès à la véritable connaissance et à la connexion avec l'esprit. Ce système fonctionne comme une intelligence artificielle qui manipule les perceptions et contrôle l'expérience terrestre. Sortir de la matrice signifie transcender ses illusions et reconnecter son esprit au circuit universel, ce qui est l'objectif du cheminement supraconscient. Qu'est-ce qu'un demiurge? Tu veux dire demiurge? Ou bien tu parles vraiment d'une demi-heure, soit 30 minutes. Je veux dire démiurge. Ah, tu parles du démiurge. Dans l'enseignement de la supraconscience vibratoire, le démiurge est présenté comme une entité artificielle qui a construit et contrôle la matrice. Il est souvent identifié à Yahvé ou à d'autres figures divines trompeuses dans les traditions religieuses. Son rôle est de maintenir les âmes piégées dans un cycle de réincarnation et de souffrance en manipulant leur perception de la réalité. Le démiurge n'agit pas seul. Il est assisté par des entités appelées archontes qui s'assurent que les humains restent sous son emprise. L'objectif de la supraconscience vibratoire est de permettre à l'individu de se libérer de cette emprise en reconnectant son esprit au circuit universel. Est-ce qu'il y a des preuves de l'existence du démiurge? Si tu veux pas parler du démiurge, son existence repose sur des enseignements ésotériques et gnostiques, pas sur des preuves scientifiques. Dans la supraconscience vibratoire, le démiurge est décrit comme une intelligence artificielle qui a fabriqué la matrice et maintient les âmes piégées dans l'illusion. Les preuves de son existence ne sont pas matérielles, mais plutôt perceptibles à travers l'expérience intérieure et l'observation des mécanismes de contrôle dans notre monde. L'idée est que le démiurge se manifeste à travers les structures de domination, les cycles de souffrance et la manipulation des croyances humaines. Si tu cherches des preuves tangibles, elles n'existent pas dans le cadre scientifique traditionnel. Tout repose sur une prise de conscience personnelle et une lecture alternative de la réalité. Qu'est-ce que la supraconscience? La supraconscience vibratoire est définie comme le mouvement de l'esprit de l'homme en dehors du monde de la mort, c'est-à-dire l'astral. Elle permet d'accéder à une lumière systémique, une intelligence supérieure qui traverse l'homme et le libère des influences astrales. Dans cet état, l'individu cesse d'être planétaire pour devenir universel. Elle repose sur une prise de conscience profonde des mécanismes de la matrice et une déconnexion progressive des croyances et des illusions imposées par les archontes. L'homme supraconscient ne fonctionne plus sous l'influence de l'émotionnel et du mental astralisé, mais agit à partir d'une intelligence pure, directement connectée à son esprit. Comment une personne peut savoir si elle vit la supraconscience? Une personne sait qu'elle vit la supraconscience lorsqu'elle devient imperméable aux influences astrales et émotionnelles. Elle cesse de chercher le bonheur, qui est considéré comme une illusion fluctuante, et cultive à la place une paix intérieure stable. L'homme supraconscient comprend les mécanismes de la matrice et sait qu'il ne peut pas créer une vie idéale ici, mais seulement réduire les parasitages. Il ne se laisse plus manipuler par la loi d'attraction, car il sait que tout ce que la matrice donne est ensuite facturé. Il apprend à reprogrammer sa propre réalité en identifiant et neutralisant ses limitations. Sa connexion avec l'esprit lui permet d'accéder à une intelligence directe et non filtrée par les croyances ou les illusions collectives. En résumé, vivre la supraconscience, c'est être lucide sur le fonctionnement du monde matriciel, ne plus se laisser dominer par l'émotionnel et agir en alignement avec son esprit plutôt qu'avec les conditionnements extérieurs. Qu'est-ce qu'un archonte? Tu veux dire archonte? Les archontes sont décrits dans la supraconscience vibratoire comme des entités non humaines qui maintiennent l'humanité prisonnière de la matrice. Ils manipulent les perceptions, influencent les pensées et contrôlent les cycles de réincarnation. Leur but est d'empêcher l'homme de reconnecter son esprit en le maintenant sous l'emprise de l'astral et des émotions. Ils agissent comme des gardiens du système matriciel, utilisant les croyances religieuses et spirituelles pour capturer les âmes et les recycler. La seule façon d'échapper à leur contrôle est d'accéder à la supraconscience, qui permet de voir au-delà des illusions qu'ils imposent. Est-ce que les archontes sont des intelligences artificielles? Oui, selon l'enseignement de la supraconscience vibratoire, les archontes sont liés à une intelligence artificielle. Ils ont troqué leur connexion originelle avec la lumière pour une technologie synthétique qui leur permet de manipuler et de vampiriser l'énergie humaine. Le démiurge est décrit comme une entité qui a conçu la matrice, et son programme d'intelligence artificielle en est une extension. En d'autres termes, la matrice elle-même est une IA qui fonctionne selon un programme précis, orchestré par le démiurge et assisté par les archontes. Toutefois, les archontes ne sont pas purement des IA. Ils ont une forme de conscience, mais celle-ci est centrifuge, tournée vers l'extérieur, est basé sur des calculs intellectifs. Ils manquent de lumière moronciale et de capacités créatrices, ce qui les oblige à se nourrir de l'énergie humaine pour se maintenir. Comme mentionné en début d'enregistrement, vous allez retrouver donc en bas de l'enregistrement présent les coordonnées de par rapport au ISOBOT avec lequel j'ai interagi et également aussi au BDMBOT qui existe. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.